Pourquoi le couscous fait-il partie aujourd'hui du patrimoine immatériel de l'UNESCO ? En circulant sur l'autoroute, vous avez sans doute déjà remarqué le panneau « Patrimoine mondial de l'UNESCO ». La France compte actuellement 45 biens inscrits dans ce patrimoine mondial, parmi lesquels on peut citer le canal du Midi, la basilique et la colline de Vézelay, le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. Au départ, l'UNESCO valorisait surtout les formes matérielles du patrimoine culturel mondial, les monuments, les lieux de mémoire, les collections d'objets. Mais depuis les années 80, la définition du patrimoine culturel s'est élargie pour faire une place aux traditions orales, aux arts du spectacle, aux rituels et aux savoir-faire traditionnels. C'est ainsi qu'est né le concept de patrimoine culturel immatériel. Son but est de rapprocher les peuples en valorisant les pratiques et les savoirs qu'ils ont en commun, tout en défendant la diversité culturelle face à la mondialisation croissante. C'est en vertu de ces principes qu'en 2020, le couscous a été inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Preuve que la culture populaire peut être un moyen de tisser des liens de coopération entre des États qui ne s'entendent pas toujours sur le plan politique, ce succès résulte de la candidature commune déposée par 4 pays d'Afrique du Nord, l'Algérie, la Mauritanie, le Maroc et la Tunisie. Le mot couscous est issu du terme berbère « seksu » qui désigne le blé bien modelé et bien roulé. C'est un savoir-faire très ancien, puisque les archéologues ont retrouvé des traces de couscoussiers dans des sépultures du 3e siècle avant Jésus-Christ, à l'époque du roi berbère Massinissa de Numidie, dans l'actuel nord de l'Algérie. Un des berceaux de la culture du blé. Les recettes du couscous se sont ensuite diffusées dans tout le Maghreb jusqu'en Mauritanie, avant de traverser la Méditerranée. Le couscous était déjà consommé dans le royaume de France au XVIe siècle, puisque François Rabelais le mentionne plusieurs fois dans ses œuvres en utilisant les mots « coscosson » ou « coscoton ». Mais ce n'est qu'au XXe siècle que ce plat s'est largement répandu dans notre pays grâce aux familles algériennes émigrées en métropole depuis la Première Guerre mondiale, puis grâce aux pieds noirs ayant quitté l'Algérie au moment de l'indépendance. Le couscous, qui est aujourd'hui l'un des plats préférés des Français, est donc un bon exemple pour montrer le rôle qu'a joué l'immigration dans l'enrichissement de notre culture populaire. Si l'UNESCO a primé le couscous, c'est aussi et surtout parce que dans les pays où il est né, il est resté bien plus qu'un plat. C'est une somme de savoir-faire, surtout maîtrisée par des femmes, qui concerne non seulement la préparation et la consommation de ce plat, mais aussi la perpétuation de tout un système de valeurs et de traditions qui se transmettent de génération en génération depuis des siècles et des siècles. L'exemple du couscous est aussi très instructif quand on veut comprendre comment se diffusent des pratiques qui relèvent de la culture populaire. Sa consommation s'accompagne toujours en effet d'un processus d'appropriation, ce qui explique qu'il existe aujourd'hui une multitude de recettes de couscous à travers le monde adaptées aux réalités et aux traditions culinaires locales.